cervelle. Des chiennes hurlent dans ses oreilles. Des fourmis hantent tous ses sommeils. Le whisky lui souhaite bon réveil. L'est du bonheur. Sa raison défie la raison. Son cœur divague à tous les tons. Son royaume devient celui des cons. Ses illusions. Il se meurt. Il s'endort. L'est du bonheur. Je lègue ceci à tous les arbitres qui ont la morale comme d'autres d'éthique, puisqu'ils vont tuer un pauvre type. Cette chanson n'aura pas de suite.